Elle fait du... Miss Amanda. You can't see me. J'adore aider les filles en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 euros là-bas, ça fait 333 000 CFA. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 euros là-bas, ça fait 333 000 CFA. Miss Amandine du 38 vient de l'Isère, elle fait du licri en 2008. Pour tous les deux, c'est la misère. N'étant pas ses couilleux, mais c'est la galère. Le rap n'est pas un jeu, mais la violence reste guerre. Chacun reste pieux à faire ses prières. Prie pour être mieux, mais c'est la Césaire. Mais la vie est ainsi, faite de plaisir et d'ennui. À faire du Illy, on you can see me. La vérité est que de ses doigts, champion, quand on y croit. Quand le mic est à portée de voix, faire en sorte qu'on y croit. Mais la vie est mal faite, et reste aussi malhonnête. La tristesse reste ainsi d'être mélancolique et mélancosmique. Fanfan sera le Kenny, c'est toute ma vie. Imagine alors Amandine, imagine cette Amandine du 38. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 euros là-bas, ça fait 333 000 CFA. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 euros là-bas, ça fait 333 000 CFA. Mais le passé reste douloureux, avec vous comme heureux qui. Le pire c'est qu'on reste malheureux. La personne qui clash en cesse ne faut rien. Alors qui nous crache dessus, on est galérien. Mais comme rien n'est simple, comme le dirait énergie tout simple. Faire du you can see me, Miss Amanda and missing. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 euros là-bas, ça fait 333 000 CFA. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 euros là-bas, ça fait 333 000 CFA. La routine me détruit, la création me nourrit. Ma passion, je la perquise. Chaque jour, je vous esquive. Amandine est triste, voyez ce que vous en avez fait. Cela m'attriste. Beaucoup sont déjà faits, galériennes, galériens. On a tous eu droit à rien. Alors que le bonheur vous tend la main, oh que le malheur reste à portée de vos mains. École du Sénégal, je m'en régale. Car cette fille a du cran, pas toi qui se moque derrière son écran. Je le redis encore, Amandine est perdue. You can see me parce que je suis pas fan de Franchini. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 euros là-bas, ça fait 333 000 CFA.